partout. Sorti de la cave, peaufiné dans les blocs. Toi, tu sais, on a le code normal, tu bloques. Ouais. Ça a été croque, c'est le tricol. Équipe type, c'est pas la vôtre, c'est la nôtre, ça c'est sûr. Sorti de la cave, peaufiné dans les blocs. Toi, tu sais, on a nos codes normal, tu bloques. Ouais. Ça a été croque, c'est le tricol. Équipe type, c'est pas la vôtre, c'est la J'suis nôtre. Je suis pas de l'époque, ceux qui tournaient sur la tête, ils servent la tectonique. Je suis crâne, moi, bon, millions de pixels. SRI ne se branle pas devant ton imon. T'en as donc très marre, garde tes boniments. Old school, new school, wham, j'suis de là, j'monte pas les reins, school, c'est pour les miens et wham, tché. Est-ce que tu crois que les MC, quand ils grattent, ont une pensée pour what? Oui, souhaite que tu passes à la caisse. A ton avis, le mouvement hip-hop est mort? Juste une question, en ce qui me concerne, j'ai un début de réponse. Les anciens regrettent, les jeunes niquent le bénéfice. Comme un fumeur de weed qui s'endette pour la purple. Certains rappeurs sont ce que les médias appellent des people. À quand le featuring avec Magloire ou McDoom? C'est pas des balles qui méritent, c'est des coups de bouteille, des palaves sur leur gueule pour qu'ils se rappellent qu'il fallait mieux se taire. Des airs de Broxo, vu que l'instru est une pute. Soit à l'ancienne ou actuelle, on s'en occupe. Laisse-nous faire dans le rap, y'a pas de règle, vu tout le monde à la sienne. Mais nous débattons dans les roues, on a des pneus qui tiennent la route. Nous c'est deux types, de crâne chauffe de Giro. Pas un produit marketing, on n'a pas forcément besoin d'une tête d'offre. Juste faire piéger, sans rapiger comme des pigeons. Ça reste cohérent, même quand le discours est léger. Corso alias personne. J'pourrais écrire un livre sur ma vision des choses. Ces mecs qui se la racontent enfermés dans un studio. J'fais ni la guerre, ni la paix. J'fais ce qu'il y a à faire, quand il faut le faire et avec qui il faut le faire. MC anonyme, au rime pas anodine. Faut dire que mon école c'est un toji pour race maudite. Le quartier rouge est partout, les clés barçons. Le genre de piranha qui ne manque pas à l'instant. C'est Flavine, crâne rasé au petit afro. C'est même parce que je baragouine. Produit des années 80 comme équipe type ou mob type. Le cas suivi du R, un œil dur en profondeur. C'est un crâne, c'est du darkness, c'est pas du slackness. La dynamique est démoniaque, vas-y. Yet Narval, moi j'ai pas de sbire. Juste un sbar dans le bec, écoute ça. Bah US, une invasion terroriste. On dépoule sans boulette prof, on a game bag avec la prof, cette pouf. Pas pour faire du propre sur ta droite, j'suis pas un pro, j'fais mon zoo à ma sauce, j'fais pas d'impro, j'suis hors concours. Y'a pas de quoi faire un blockbuster avec ma vie dans le bloc. T'avais jamais entendu parler de la sorte, ça choque. Vas-y, check un peu foufou, craria, chim sur un deux roues. Plus d'un spi, ça me saoule, c'est signé Corso. Alias personne, dit le coach, Ali Mourinho. Quelques rimes pour tuer le temps, à poser son boîte, arrête ma gâton. En attendant la suite, chut. Sorti de la cave, bouffiné dans les blocs. Toi, tu sais, on a le code normal, tu bloques. Ouais. Ça a été croque, c'est le tricol. Équipe type, c'est pas la vôtre, c'est la nôtre, ça c'est sûr. Sorti de la cave, peaufiné dans les blocs. Toi, tu sais, on a nos codes normal, tu bloques. Ouais. Ça a été croque, c'est le tricol. Équipe type, c'est pas la vôtre, c'est la nôtre. Ouais.